Tome 1, deuxième partie, chapitre 9, Un homme fini. Jean Robin avait passé une nuit effrayante. Ces quelques heures avaient été pour lui la suprême angoisse, une de ces tortures morales qui vieillissent un homme et lui blanchissent les tempes. La mort, presque certaine, la perte d'un bonheur qui s'évanouissait à l'instant où il croyait le tenir, voilà les pensées qui cahotèrent son cerveau endolori. Il allait se battre avec un homme auquel il lui était interdit de toucher. Rien ne pouvait le sauver. Par un effort cérébral qui était la plus pure expression de son amour, il parvint à s'arracher, vers le matin, au regret de la vie, au regret des félicités entrevues. Les yeux fermés, le front serré dans une de ses mains, il évoqua l'image d'Adrienne. Et il la vit, non pas comme elle devait être, affolée de douleur, mais telle qu'il voulait la voir, souriante du divin sourire d'amour, ainsi que jadis, quand leurs lèvres balbutiantes échangeaient des serments et des baisers. Oui, il la vit. Le sublime miracle s'accomplit. Suggestion ? Soit. La prestigieuse faculté de l'esprit accomplit le mystère et adorable phénomène. Il vit la forme flottante devant ses paupières fermées. Il lui parla doucement, l'entretint de son amour, rien que de son amour. Un coup de sonnette le réveilla brusquement. « Adieu, Adrienne, » murmura-t-il, en collant éperdument ses lèvres sur le joli portrait qu'il avait posé en face de lui sur une table. Quelque chose comme un sanglot de détresse monta à sa bouche. Un frisson le secoua, et, l'image placée dans sa poche sur la poitrine, la redingote fermée, le visage redevenu paisible, il ne fut plus que l'homme qui attend ses témoins pour aller se battre. C'était eux, en effet. Une rapide poignée de main fut échangée entre ces hommes, dont l'un allait peut-être mourir, et qui comprenaient l'affreux néant de tout ce qu'ils auraient pu dire en une telle minute. Le groupe descendit, monta dans une voiture de Jean Robin, et partit grand train. Par la glace de la portière, ce fut, dans les yeux de Jean, le défilé rapide des arbres dénudés dont les squelettes tremblaient, des hôtels encore fermés, paresseux et somnolents, avec leurs volets clos. Et déjà quelques coupés croisaient la voiture, emportant de jolies femmes, emmitouflées de fourrure, pour la matinale promenade au bois. Jean voyait à peine. Il continuait son morne tête-à-tête avec sa pensée de désolation. La route se fit silencieusement, et ce fut seulement lorsqu'on fut près d'arriver au rendez-vous que Jean, prenant la main du général, lui dit « Mon cher ami, en cas d'accident, je compte sur vous. Voici la clé de mon bureau, vous y trouverez quelques plis avec leurs adresses. » « Comptez sur moi, » dit simplement le général. On mit pied à terre. « Nous sommes les premiers, » fit Jean avec un sourire. « Et puisqu'on m'appelle le roi de la pierre, j'ai presque le droit de dire « J'ai failli attendre. » Puis il se mit à causer de choses indifférentes. En lui-même, il contemplait Adrienne et c'est vers elle, la femme adorée que s'envolait sa pensée. « Ah ça !» protesta tout à coup le général. « Mais ils ne viennent pas. Voilà 20 minutes que nous sommes ici. » Encore 10 minutes et... Il n'eut pas le temps d'achever. Le landau du comte, lancé au galop, apparaissait cependant sur la route déserte. L'instant d'après, les témoins de Roger saluaient ceux de Jean Robin, et le comte, pâle comme un mort, s'avançait. Il fit 2 pas vers son adversaire, puis, brusquement, il recula, avec un geste intraduisible. Les 4 témoins, stupéfaits, le regardaient en silence. Jean Robin, très calme, attendait. « Comte, que faites-vous ? Vous alliez, je crois, parler à votre adversaire ?» C'était un des témoins de Roger qui lui glissait ces mots à l'oreille, persuadé que le comte Roger de Charmeuse, poussé par la colère, allait se laisser entraîner à une de ces invectives qui ne sont pas admises sur le terrain. Le comte passa la main sur son front, moite d'une sueur glacée. « Messieurs, » fit alors le jeune homme qui venait de parler, « tirons au sort, s'il vous plaît, pour connaître le directeur du combat. » L'opération se fit en quelques instants. Ce fut le général qui fut désigné. Il s'écarta de la route, mesura les pas en longues enjambées. Les boîtes de pistolets furent vérifiées. Les adversaires furent placés. Jean Robin jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Cette nature frêle et grise de la matinée frileuse passa dans sa vision. Il ne la reverrait plus jamais, et il eut froid au cœur. « Adrienne, » murmura-t-il, et, le pistolet levé, il attendit, décidé à ne pas user de son droit de marcher, attiré en l'air, par une pensée d'infinie délicatesse qui lui faisait craindre des suppositions malveillantes pour Adrienne s'il ne tirait pas du tout. Quant au comte, il agissait comme un automate. Les dernières paroles de sa femme bourdonnaient à son oreille. « Ça ou le bagne ?»« Ça, c'est-à-dire des excuses à Jean Robin ?» Et chez cet homme réellement brave, chez ce boulevardier qui ne vivait que pour le monde, ce fut l'épouvante du déshonneur mondain qui l'emporta. Il se révolta, il vit son adversaire qui attendait, et il eut la seule pensée digne d'un homme qu'il put avoir en ce moment. « Je vais le tuer et me tuer ensuite. » Les témoins, à cette dernière minute poignante, attendaient, pétrifiés, haletants, et nul de ces hommes n'entendit une voiture qui arrivait sur la route et s'arrêtait près du terrain de combat. Dans le solennel silence, la voix du général tomba comme un glas. « Allez, messieurs !» Jean Robin n'eut pas un tressaillement, pas un battement de paupières. Il voulait une belle mort, digne de lui et d'Adrienne. Rouget, les yeux attachés sur son adversaire, abaissa son pistolet. Un sourire mortel courut sur sa bouche crispée, et il marcha en visant. La détonation retentit. Un cri terrible lui répondit, et une femme bondit sur la ligne de duel. C'était Adrienne, si pâle, si majestueuse, si imposante de noble attitude, que les témoins demeurèrent à leur place, dominés, devinant dans cette intervention un drame plus profond, plus poignant que tout ce qu'ils avaient pu supposer. Le premier regard de l'amante fut pour Jean. Il était debout, il vivait, il n'était pas touché. Son visage, plein d'une mâle beauté, reflétait à ce moment le glorieux rayonnement d'un orgueil sublime. La sensation d'être aimé ainsi lui donna le frisson d'une âpre volupté qu'il trouverait à mourir en la regardant. Car il en était sûr, la comtesse allait être écartée et le duel allait continuer. Mais Adrienne s'était retournée vers le comte. Stupide d'horreur, l'âme submergée par une épouvante sans nom, Roger tendit ses bras, dans une inconsciente supplication, vers cette femme qui apparaissait pour l'acculer à l'effrayant dilemme. Le bagne ou le déshonneur ? Ses lèvres s'agitèrent faiblement. La comtesse comprit qu'il demandait grâce. Elle étendit le bras vers Jean Robin. « Allez, » dit-elle, implacable, pareille à une statue tant elle était blanche et raide dans sa volonté. Alors, il se passa une scène inouïe, lamentable. Les témoins virent le comte avancer à petits pas tremblants vers son adversaire, et ils s'approchèrent. Roger s'arrêta devant Jean Robin. Il tourna autour de lui des yeux vides, des yeux profonds comme des abîmes de désespoir. D'un geste fou, il arracha sa cravate et son col. Un soupir semblable au râle d'une bête qui meurt lui échappa, et il parla. « Je vous ai insulté. Je vous en demande pardon. »« Comte, comte, revenez à vous. C'est un moment de folie. » C'étaient ces deux témoins qui poussaient le même cri. Il secoua la tête et, morne, répéta la même phrase, mot pour mot, comme une formule de détraqué, de dément. « Je vous ai insulté, sans raison. Je vous demande pardon. » Et, sans attendre la réponse de Jean, qui, livide maintenant, tremblait devant ce spectacle affreux, le comte se détourna vers ses témoins. Il eut peut-être l'espoir que leurs yeux ne contiendraient pas de réprobation. Vaguement, Il allongea la main en bégayant. « Messieurs, je vous remercie. » Ils demeurèrent glacés, détournèrent la tête. L'un d'eux murmura du bout des lèvres. « Vous tenez encore votre pistolet, comte. Tuez-vous, mais tuez-vous donc. Il ne vous reste que cela à faire. » Il regarda l'arme et il eut peur. Le pistolet glissa de ses doigts et tomba dans une flaque de boue. Alors, le comte de Charmeuse tourna le dos et, lentement, lamentable, courbé, comme on marche derrière un cercueil, il s'en alla, s'éloigna, s'effaça, disparut. Ce furent quelques minutes remplies d'une inoubliable angoisse pour Jean Robin et les six témoins de cet effondrement d'un homme qui, la veille encore, était un des rois de Paris. Quand il fut parti, ils eurent le même soupir de délivrance et cherchèrent des yeux la comtesse. Elle s'était éloignée, ils la virent qui remontait dans sa voiture. « Messieurs, dit Jean Robin au témoin du comte, votre parole que le nom de la comtesse de Charmeuse ne sera jamais prononcé par vous si vous croyez devoir jamais parler de cette pénible scène. « Vous l'avez, répondirent-ils en s'inclinant et en tendant leurs mains que Jean Robin serra nerveusement. Puis ils partirent. Et lorsque Jean fut rentré en son hôtel des Champs-Élysées, lorsque seul, enfermé dans sa chambre, sa porte défendue, il se fut assis à sa table, la tête entre les mains, et perdu, vacillant, il murmura « Justice, tu n'es donc pas un vain mot. Amour, tu es donc une sublime réalité. »